tout seul dans ma vallée, j'avale encore le rire d'une comète qui s'endort. Reste le souvenir d'un rêve de gosse. Il suffisait d'un souffle et s'effaçait les bosses. Y'a quelque chose qui manque encore, quelque chose qui mord en moi. Y'a quelque chose qui manque encore, que je cherche en toi. Et dans tes tripes, et mère mort. Mais je trouve pas, c'est quelque chose me manque encore. Dans ma vallée, je crie encore aux larmes des sirènes d'un autre port. Tous ces mots qui se valent, mais se valent sans cesse. Reflet de la madone, amant d'une princesse. Y'a quelque chose qui manque encore, quelque chose qui mord. Y'a quelque chose qui manque encore, que je cherche en toi. Et dans tes tripes, et mes remords. Mais je trouve pas, si quelque chose me manque encore. Si quelque chose me manque encore. Seul dans ma vallée, je suis le roi d'une terre en poussière, sans ayant droit. Des roses sans épines au relent de linceul, marguerite sans racines que j'effeuille seul. Y'a quelque chose qui manque encore, quelque chose qui manque. Y'a quelque chose qui manque encore, que je cherche en toi. Et dans tes tripes et mes remords. Je trouve pas, c'est quelque chose me manque encore. C'est quelque chose me manque encore. J'avale encore.